Bien, je vais maintenant passer la parole à Laurent Perrault, qui va nous présenter une communication intitulée « Réhabiliter l'empathie, ressources phénoménologiques ». Alors, je remercie Catherine Malabou et Alexis Cuquier d'avoir bien voulu m'inviter à ce passionnant colloque. Moi, j'ai travaillé sur la question du monde social chez Husserl, et plus particulièrement, enfin plus largement sur les rapports phénoménologie-sociologie. Plus fort. Ah. Je vous la refais. Donc, j'ai travaillé sur la question du monde social chez Husserl et à l'interface phénoménologie-sociologie. Et mes travaux actuels portent sur la question du sujet social, sur la question de savoir comment la sociologie s'accommode de la question du sujet. Alors, il avait été convenu que j'essaierais de faire travailler cette interface entre philosophie et sciences sociales pour voir en quelle mesure le concept d'empathie pouvait être mis à profit d'une théorie de la relation sociale. Donc la question, c'est de savoir quelle est la place que l'on peut reconnaître à l'empathie dans la constitution des relations sociales, et non plus seulement dans le cadre du rapport intersubjectif, rapport ici compris comme le rapport de l'ego à son alter ego. En quelle mesure le détour par l'empathie, si c'en est un, peut-il informer l'idée que nous nous faisons de ce que c'est que le social? En quoi le concept d'empathie peut-il intéresser la philosophie sociale ou la théorie du social? Donc à travers ces questions, je veux faire droit au paradoxe de l'empathie dans une perspective particulière, mais je voudrais aussi partager les intentions charitables qui ont présidé à l'organisation de ce colloque. Mon propos s'articulera en deux temps. Je voudrais d'abord dresser un constat, celui de l'inconfort certain des sciences sociales devant la question de l'empathie, et j'essaierai d'en exposer les raisons. Et ensuite, dans un second temps, je préciserai ce qui peut faire l'intérêt de certaines propositions phénoménologiques en vue d'une éventuelle réhabilitation du concept d'empathie dans la perspective d'une philosophie du social. Alors, je ne suis pas sûr que ça marche complètement, mais on pourra en discuter après. Alors, force est de constater que le concept d'empathie est assez peu discuté par les praticiens des sciences sociales, ou qu'en tout cas, ils ne le reconnaissent pas comme un concept indispensable à la constitution théorique de leur discipline, voire même parfois comme un concept intéressant. Alors, il y a bien évidemment des exceptions notables à cette généralité. J'en ai une notable à mes côtés. Mais il n'en reste pas moins que dans leur ensemble, les praticiens des sciences sociales se montrent peu prompts à discuter de l'empathie. Et il y a plus frappant, lorsqu'ils le font, c'est souvent pour affirmer les raisons qu'ils ont de rejeter un concept jugé encombrant, mal formé ou dangereux. L'empathie apparaît bien souvent comme une sorte d'aliène conceptuelle. Alors ce silence relatif des sciences sociales sur la question de l'empathie est d'autant plus étonnant que c'est bien de ces dernières qu'on pouvait légitimement attendre une considération de l'empathique depuis ou dans la perspective d'une philosophie sociale. En outre, il y a une situation qui contraste fortement avec le regain d'intérêt qu'aura rencontré récemment le concept d'empathie dans des discussions menées par les praticiens des neurosciences, de la psychologie et de la psychanalyse, comme on a pu le voir hier. On peut également se réjouir de voir la question de l'articulation entre l'empathique et le social remise au goût du jour par la théorie du Caire. Mais il faut ici souligner que cette reproblématisation s'opère par le biais d'une perspective éthique. Alors, pour rendre raison de cette mise à distance du concept d'empathie dans les sciences sociales, je crois qu'on peut identifier quatre motifs de rejet ou de défiance. Un premier motif de rejet se détermine dans un registre qu'on pourra qualifier d'ontologique. En effet, ce qu'on peut redouter en accordant à l'empathie plus qu'on ne le doit, c'est apparemment de confondre deux ordres de réalité différents en opérant une réduction du social à l'intersubjectif. Si l'empathie se définit comme cette capacité qu'a le sujet ou l'agent de se mettre à la place d'autrui, elle est bien conçue en son fond comme la possibilité ouverte d'un changement de point de vue, comme une altération de soi qui ouvre à l'altérité. En somme, l'empathie, si elle peut bien s'inscrire dans le cadre d'un rapport social, elle constitue surtout et avant tout une modalité particulière de la relation intersubjective. Et comme le rappelait Vincent Descombes dans un article publié dans le volume Phénoménologie et sociologie, L'intersubjectif n'est pas le social, et toute tentative qui prétendrait déduire le second du premier doit être condamnée. Alors bien sûr, Vincent Descombes formulait cette critique à partir des présupposés philosophiques qui sont les siens, dans une démarche d'inspiration wittgensteinienne, mais elle a ici son intérêt. Pour Descombes, il faut en effet croire que la subjectivité est une intériorité, et que l'intersubjectivité est la rencontre de deux personnes qui existent chacune pour elles-mêmes dans l'intériorité de leur conscience, pour considérer ensuite que l'on pourra déduire le social de l'intersubjectif. Donc ce qu'il faut condamner d'abord ici, c'est avant tout le mythe de l'intériorité qui persiste dans cette théorie de l'intersubjectivité. Alors cette position tranchée, bien évidemment, n'est pas celle d'un praticien des sciences sociales, mais elle a le mérite d'identifier ce qui peut se trouver au principe de la défiance des sciences sociales à l'égard de l'empathie. Les institutions du sens, les règles qui régissent les pratiques sociales ne sont pas réductibles au simple rapport de l'ego à son autre. De ce premier motif de rejet ou de mise à distance, il convient d'en distinguer un second qui, lui, se situe à un niveau purement méthodologique. À l'évidence, les sciences sociales, soucieuses de s'établir comme sciences objectives, selon des procédures méthodiques rationnellement réglées, les sciences sociales font volontiers l'impasse sur le moment de l'empathie. Alors la chose est tout à fait claire chez Durkheim, par exemple. La première règle et la plus fondamentale étant de considérer les faits sociaux comme des choses, ça signifie ici qu'il faut travailler à l'objectivation des faits sociaux, ce qui suppose une mise à distance, une reconquête de l'extériorité des faits sociaux, et ce qui implique ensuite une recherche de leur explication causale. Et on voit évidemment pas quelle place ici pourrait être faite à l'empathie. Mais la chose est aussi assez frappante dans le cas des sociologies dites compréhensives, dans leur diversité. Précisément ici, on aurait pu s'attendre à ce que celle-ci fasse cas de l'empathie, en la considérant comme un moment d'appréhension de la réalité sociale, qui pouvait impliquer un effort pour adopter le point de vue particulier de l'agent concerné. Or, précisément, ces sociologies qui placent la compréhension du sens des actions sociales au cœur de leur projet, ces sociologies font peu cas de l'empathie, celle-ci étant vite renvoyée dans le registre de l'affectif. L'empathie présente ici l'inconvénient de ne pas être méthodiquement réglée, elle apparaît comme un moment de communion qui ne présente aucune garantie quant à la teneur de ce qui se trouve par là à saisir. Et elle expose le praticien des sciences sociales au risque d'une appréhension subjective, partielle ou partiale, des réalités sociales considérées. Alors ici, il faudrait quand même réserver un sort particulier à l'ethnologie, qui reconnaît plus volontiers que la sociologie l'importance d'un moment empathique, permettant notamment de surmonter la différence interculturelle pour retrouver en quelque sorte un fond d'humanité commune. Alors je songe par exemple au débat soulevé par la publication du journal de Malinowski, où Malinowski ne se prive pas de faire part de ses affects à l'égard de la population considérée. Je songe également aux remarques de Clifford Geertz dans « Savoir local, savoir global », et plus encore à un ouvrage récent de Dulberg et Scholnick qui s'intitule « Through Other Eyes ». Alors pour ces derniers auteurs, l'empathie constitue un moment d'un cercle herméneutique de la compréhension, ou l'étape cruciale d'une spirale méthodologique qui va partir de la saisie des particularités locales pour la rapporter à des déterminations générales, puis ensuite revenir à la considération des particularités locales, et ainsi de suite. Un troisième motif de rejet ou de mise à distance du concept d'empathie trouve son origine dans la nécessité de réaffirmer les spécificités disciplinaires de certaines sciences sociales. De ce point de vue, la question de l'empathie constitue parfois un terrain privilégié pour distinguer ce qui relève du domaine d'objet des sciences sociales et ce qui n'en relève pas. C'est ainsi en partie autour de la question de l'empathie que l'on peut voir se rejouer la vieille querelle ouverte par Durkheim de la distinction entre sociologie et psychologie. Une querelle qui se redétermine aujourd'hui autour des prétentions actuelles des neurosciences, celles-ci venant directement concurrencer la sociologie sur son propre terrain, en élevant des prétentions à expliquer le social. Donc je renvoie ici à la critique qu'Alain Ehrenberg a pu développer dans le numéro de la revue Esprit de janvier 2008. Ce qui se trouve critiqué dans cet article, C'est l'idée promue par les neurosciences d'un cerveau social, l'idée encore que les comportements sociaux pourraient s'expliquer par le fonctionnement cérébral. Alors très précisément, l'empathie se trouve mise en cause dès lors que les neurosciences l'identifient à la socialité humaine. Contre ce réductionnisme, cette confusion des genres, le sociologue se fait alors beau jeu de dénoncer cette chimère épistémologique que constitue le cerveau social. Et pour réaffirmer la différence principielle de chaque discipline, il rappelle la spécificité du fait social, laquelle réside dans l'épreuve qui est faite des contraintes liées à telle ou telle situation sociale. Et il peut dénoncer, enfin, la conception erronée que certains praticiens des neurosciences peuvent se faire du social, ainsi que les présupposés individualistes de leur conception. Alors bien sûr, le concept d'empathie n'est pas seul en cause dans cette critique qu'adresse le sociologue aux neurosciences, mais il est véritablement central. Il apparaît clairement ici comme une variante du mythe de l'intériorité, comme une croyance selon laquelle on va trouver dans un ressenti intérieur le secret de la socialité. Bref, comme le cheval de Troie d'une tentative de réduction du social au psychique. Je crois enfin qu'on pourra identifier un dernier motif de rejet du concept d'empathie dans la déficience relative qui peut entacher sa conceptualisation. Alors ce reproche s'exprime pas toujours comme tel, parce qu'il supposerait la conduite d'une critique en règle, une critique qu'on préférera sans doute s'épargner en se détournant purement et simplement d'un concept trop imprécis. Alors il y a déjà le fait que l'histoire du concept est extraordinairement complexe et que bien souvent on pense pas la même chose sous un même terme, mais même si l'on s'en tient aux usages contemporains et si on considère que ce qui fait la fortune de l'empathie, du concept d'empathie, c'est bien de désigner d'une manière assez simple cette capacité qu'on peut avoir d'épouser la perspective subjective d'autrui, même si le concept ici se révèle pertinent, il n'est pas sûr que cela suffise, parce que le concept reste grevé d'un certain nombre d'ambiguïtés. La première de ces ambiguïtés, c'est celle du statut précis de la relation instituée. Est-ce qu'on a affaire à une forme de fusion, de synthèse transindividuelle, ou alors à une saisie authentique de l'altérité comme altérité? Seconde ambiguïté, l'empathie doit-elle être conçue comme un opérateur intellectuel, voire comme une forme de raisonnement, ou faut-il considérer qu'elle trouve son principe dans une dimension strictement affective, émotionnelle, pulsionnelle? Troisième ambiguïté, comment définir positivement les spécificités de l'empathie? Comment distinguer sympathie et empathie? Donc des questions qu'on a déjà rencontrées, évidemment, au cours des dernières communications. Alors, je crois que ces différents motifs, dans leur complémentarité, expliquent sans doute le peu de cas que les sciences sociales font de l'empathie, à tel point qu'elles la considèrent souvent comme une dimension négligeable de la relation sociale et qu'elle n'est que rarement prise comme objet d'étude. Alors on pourra néanmoins se demander si cette négligence relative n'a pas son prix. Ne court-on pas le risque de donner une définition un peu trop intellectualiste de la relation sociale, notamment en privilégiant de manière exagérée le rôle de la volonté individuelle, de l'orientation rationnelle, du calcul de l'intérêt des agents? Ou pour formuler les choses différemment, ne peut-on pas concevoir une réhabilitation mesurée de l'empathie, laquelle pourrait constituer une sorte de garde-fou contre des conceptions trop exclusivement contractualistes des relations sociales? Donc dès lors, on pourra se demander s'il ne convient pas d'aller chercher ailleurs des ressources possibles d'une réhabilitation de l'empathie. Alors mon point ici, c'est pas du tout de faire la leçon aux praticiens des sciences sociales, qui en général se débrouillent très bien sans les philosophes, mais plutôt de reconnaître qu'il y a ici un besoin de clarification conceptuelle dont la charge peut revenir aussi à la philosophie. Alors je voudrais pour ma part suggérer qu'il y a sans doute dans la phénoménologie husserlienne de l'empathie un foyer de reconceptualisation tout à fait intéressant. Alors comme vous avez déjà pris une double dose de phénoménologie husserlienne hier, je vais essayer d'être concis sur certains aspects pour me concentrer sur la question de l'articulation entre l'intersubjectif et le social. Alors bien évidemment, une telle proposition ne va pas de soi. dans la mesure où, chez Husserl, la question de l'empathie est explicitement rapportée à une théorie de l'intersubjectivité, et dans la mesure aussi où cette théorie de l'intersubjectivité a souvent prêté le flanc à la critique. On a pu lui reprocher d'un côté de ne pas faire pleinement droit à l'altérité de l'autre, ça c'est la critique de Lévinas, qu'on a vu se développer hier. On a pu également lui reprocher de ne pas satisfaire complètement à toutes ses ambitions, en ne parvenant pas à produire complètement la philosophie sociale à laquelle elle pouvait aspirer. Ça, c'est par exemple le reproche d'Alfred Schütz, qui est le phénoménologue qui a le plus œuvré en direction des sciences sociales et qui déplorait le recours de Husserl à l'obscure notion d'empathie, je cite. Alors néanmoins, ces critiques classiques fondent bien souvent l'essentiel de leurs propos sur une lecture exclusive et parfois expéditive de la cinquième des méditations cartésiennes. Or, on dispose à présent d'une somme considérable de textes, avec les volumes 13, 14 et 15 de Husserliana, qui complexifient considérablement cette question de l'empathie. On trouve chez Husserl une philosophie de l'empathie extrêmement riche. Et elle permet, je pense, de reconsidérer l'articulation de l'intersubjectivité et du social. Alors, il me semble que les réflexions de Husserl ici méritent considération pour plusieurs raisons. D'une part, pour le statut particulier qui est accordé à l'empathie, donc qui n'est pas ici un partage émotionnel, ça serait plutôt la direction de Scheller, mais une saisie d'autrui comme altérité. Ensuite, seconde raison, le lien possible que l'on peut envisager avec une philosophie du social, et enfin l'importance reconnue au sensible, au corporel et à la passivité. Il me reste combien de temps là? Un quart de... Pardon, excusez-moi, je ne dis pas de bêtises. Presque 20 minutes. Bon, d'accord. Donc, premier point, le statut particulier que Husserl accorde à l'empathie. Donc, chez Husserl, la théorie de l'Einfühlung, de l'empathie, c'est le titre le plus général de la problématique de la saisie du phénomène d'autrui. Et en ce sens, ça désigne quelque chose de plus ambitieux que le simple fait de se mettre à la place d'autrui. Alors, Husserl a conservé cette terminologie tout au long de son œuvre, mais il y a des textes aussi où il en souligne les limites, et où il dit qu'il n'est pas tout à fait à l'aise avec cette dénomination. Donc l'enjeu pour Husserl, c'est de faire apparaître autrui comme une possibilité de l'ego, en délimitant un ego propre, un ego plus intime, en quelque sorte, dont l'étranger, autrui, peut devenir la possibilité. Alors, cette question de la constitution de l'alter ego est directement dérivée d'un certain nombre de débats qui se développent déjà chez Lipps, et Husserl va défendre une position dont il faut bien voir la spécificité. Donc, contre Lipps, Husserl va considérer que les manifestations extérieures du corps de l'alter ego ne peuvent pas donner lieu à une introjection, in Einfühlung, par laquelle je reproduirai et revivrai les vécus éprouvés par l'alter ego. Contre Erdmann, un autre participant à ce débat sur le statut de l'Einfühlung, Husserl va refuser l'idée d'un raisonnement par analogie pour privilégier une conception de l'empathie comme forme d'association sensible, analogisante. Alors, la saisie empathique de la vie psychique d'autrui est pour Husserl de l'ordre des présentifications, c'est-à-dire que pour lui, on n'a pas affaire à une perception en bonne et due forme qui nous met en présence de la chose, mais à un type de vécu qui renvoie d'une manière secondaire, dérivée, à une telle forme de perception. Donc ce qui est décisif ici, c'est que le rapport à la vie psychique de l'alter ego ne sera jamais donné en acte et de manière originaire. Puisque si tel était le cas, on cesserait de se retrouver soi-même dans l'alter ego, dans une espèce d'indifférence absolue, qui serait la négation radicale de toute différence. Au contraire, avec l'Einfühlung, Husserl prend acte de ce que l'alter ego, du fait que l'alter ego constitue la différence la plus radicale du point de vue d'une philosophie de la conscience. Alors, on l'a déjà dit, la relation empathique se structure chez Husserl par un processus d'analogisation, au terme duquel l'alter ego est à la fois reconnu comme étant mon semblable et comme autre, selon un rapport de coexistence. Cette empathie se produit à la faveur de ce que Husserl appelle une association accouplante, une association accouplante qui mise sur la ressemblance du corps physique d'autrui avec le mien. Donc je donne au corps d'autrui en face de moi le sens d'un corps semblable au mien, et par une mise en paire, par une association originaire de nos deux corps, je postule, je présume l'existence d'une animation psychophysique, d'une conscience analogue à la mienne. Et comme l'a bien souligné Michel Salansky hier, le propre de toute analogie, c'est bien ici de dire la différence à partir de ce qui est reconnu comme même. Donc cette empathie opère ici comme une intuition immédiate et non comme un raisonnement abstrait. Donc on a souvent lu cette théorie de l'empathie dans le cadre strict de l'intersubjectivité, ce qui est tout à fait cohérent avec ce qui se développe dans la cinquième des méditations cartésiennes. Mais je voudrais souligner qu'elle instruit également une certaine philosophie du social chez Husserl. Alors dire cela, ce n'est pas dire que le social est déduit de l'intersubjectif, pardon, comme pouvait le dénoncer Descombes, mais simplement considérer que le social présuppose, dans l'ordre de l'expérience, de l'intersubjectif. Et de ce point de vue-là, une théorie conséquente de l'intersubjectivité peut très bien aller de pair avec une théorie du social qui reconnaît à celui-ci sa dimension pleinement objective. Alors, il y a deux directions différentes ici qui sont parcourues par Husserl et qui, à chaque fois, l'obligent à une certaine reconceptualisation du concept d'empathie. Et de ce point de vue-là, je suis en franc désaccord avec Nathalie Deprat lorsqu'elle disait hier que la conception de l'empathie chez Husserl était extrêmement cadrée dans le seul registre de la théorie de l'intersubjectivité. Alors la première direction, qui n'est pas forcément la plus convaincante, consiste à dire que l'empathie est au principe de toute vie sociale. Le fait que notre expérience du monde social soit subjectivement limitée n'est pas pour Husserl un obstacle, parce que nous pouvons comprendre par empathie une multitude infinie de relations sociales plus ou moins élaborées, plus ou moins complexes. Donc ici, on a affaire à un concept d'empathie qui se généralise à toute forme d'entité sociale et plus simplement au rapport à l'alter ego. Et Husserl va même jusqu'à parler d'une empathie nationale, ce qui est peut-être un vieil héritage herderien. Donc dans le tome 2 des idées directrices pour une phénoménologie, il indique, en s'interrogeant sur le statut de l'expérience sociale, que par empathie, on peut comprendre ce que c'est qu'un couple, ce que c'est que l'amitié, etc. Alors l'autre direction qui me semble plus féconde, c'est l'articulation qui est opérée par Husserl entre la philosophie de l'empathie, une phénoménologie de la communication, et enfin des réflexions plus générales sur l'ontologie sociale, le statut du social en général. Alors ici, Husserl considère que l'empathie constitue le point de départ de toute relation sociale. C'est là ce qu'il dit par exemple dans le texte 9 du Husserliana 14, « La manière dont se produit un lien entre personnes doit assurément prendre son point de départ dans une empathie actuelle et un accord actuel. Mais il faut ensuite prendre en considération les institutions où les personnes forment une unité en empruntant des chemins indirects, par quoi les personnes restent inconnues. » Donc ici, on a très bien l'articulation entre, d'un côté, un point de départ intersubjectif dans l'empathie actuelle et la prise en considération des institutions, de la dimension institutionnelle du social. Alors dire que l'empathie est le point de départ de tout lien impersonnel, ce n'est pas en faire ici une fondation a priori, mais simplement désigner ce qui est requis à titre de commencement de toute vie sociale. Donc ça ne nous dit encore rien sur la nature de la relation sociale, à l'évidence, mais ça permet simplement d'identifier l'empathie comme le premier acte de la compréhension d'autrui dans la sphère sociale. Et dès lors, on peut voir Husserl, dans les idées N2 par exemple, dans le second tome des idées directrices pour une phénoménologie, requalifier très explicitement l'empathie comme compréhension, en la référant au niveau de ce qu'il appelle la subjectivité sociale. Alors dès lors, l'empathie ici n'est plus strictement abordée dans une perspective transcendantale, comme le rapport de l'ego à l'alter ego, mais plus généralement comme l'appréhension directe de l'autre personne rencontrée dans le monde social et comprise comme personne. À partir de l'empathie, il y a place pour une expérience communicative qui va procéder par déchiffrement, interprétation de la vie expressive de l'alter ego. Donc on n'a plus affaire ici à un alter ego abstrait, mais bien à une personne douée de sa propre vie expressive. Et ici, un héritage de la philosophie de Diltaï qui est tout à fait prégnant. De ce point de vue-là, la philosophie de l'empathie, ici, ouvre sur une herméneutique du rapport interpersonnel au sein de ce que Husserl appelle un Umwelt, un monde environnant. Tandis que le corps de l'alter ego, dans le cadre de la théorie transcendantale de Einfühlung, valait comme support de la saisie analogisante, ici, les mouvements du corps de la personne joue devant moi comme autant d'expressions livrées à un travail d'interprétation. Donc ici, il ne s'agit pas de combler une forme déficiente de fusion intersubjective. Au contraire, la communication nous impose un déchiffrement des expressions qui ne cesse d'éprouver la distance entre les corps et la différence qui distingue les sujets entre eux. Alors il y a de ce point de vue-là certains textes qui vont même jusqu'à remettre en cause la théorie de l'empathie pour lui substituer l'idée d'une traduction, d'une interprétation. Donc on est vraiment ici dans un registre plus herméneutique où je retraduis l'apparition externe du corps étranger dans les systèmes de l'apparition interne, je cite tout ça. Donc le corps de l'autre est ici un corps porteur de sens, une puissance d'expression. Je vois les manifestations du corps d'autrui comme des expressions de ses vécus. Et il me reste à charge un travail interprétatif pour comprendre à partir de ces manifestations extérieures ce que peut être sa vie psychique. Donc ici, l'empathie se trouve repensée. Alors, le complément direct de cette reconceptualisation de l'empathie, c'est une phénoménologie de la communication, au cours de laquelle il s'agit pour Husserl de suivre la genèse à la fois pratique et gnoséologique du monde social. À partir de la relation intersubjective et de l'échange communicationnel qui pourra lui donner sa concrétude. À partir de là, dans cette phénoménologie de la communication, Husserl va considérer que le point de départ de toute relation sociale, c'est bien l'empathie, c'est une forme de contact premier qui est établi entre les consciences, et qu'à partir de là, se développe un certain nombre d'actes communicatifs qui aboutiront ultimement à ce qu'il appelle des actes sociaux, l'acte social étant toujours chez lui considéré comme la relation entre deux volontés distinctes. L'acte social, de ce point de vue-là, c'est toujours quelque chose qui se joue au niveau de la volonté. Alors, dans les 5 minutes qui me restent, donc... je voudrais souligner ce qui me paraît faire l'intérêt de cette reconsidération de l'empathie. Ce qui est intéressant dans les réflexions de Husserl, dans cette articulation entre l'intersubjectif et le social, c'est l'accent qui est mis sur le sensible d'une part, le corporel d'autre part, ça j'ai déjà abordé, et enfin sur la question de la passivité. L'aspect tout à fait intéressant des considérations de Husserl ici, c'est la place qui est faite à la dimension passive de notre rapport au monde social. L'empathie, pour Husserl, ce n'est pas un acte volontaire du sujet, mais c'est quelque chose qui opère au niveau de ce qu'il appelle les synthèses passives. Et en ce sens, on peut considérer que l'empathie renvoie aussi à un ancrage ou à une inscription passive de la vie sociale dans le sujet. Et l'un des mérites de Husserl, c'est d'avoir consacré à cette passivité des analyses tout à fait stimulantes, qui ont véritablement permis de réhabiliter, de reconsidérer positivement cette idée de passivité. Alors il y a ici deux directions qui me semblent intéressantes. L'idée d'une pulsion sociale, tout d'abord, et d'autre part, la philosophie de l'habitude, la théorie phénoménologique de l'habitude qui est développée par Husserl. Alors du côté de la pulsion sociale, il y a deux points intéressants ici. Il y a tout d'abord un manuscrit de 1921 où Husserl aborde la question de la personne. Donc la personne, pour Husserl, c'est toujours le sujet considéré comme membre du monde social. La personne considérée avant et après l'empathie. Donc le sujet après l'empathie, c'est celui qui est capable de développer des relations interpersonnelles. Et Husserl se pose donc la question du sujet avant l'empathie, mais dans sa relation au social. Et il évoque donc une pulsion sociale qui est considérée ici comme un mode particulier de la relation sociale, une forme originaire de la vie sociale, et il l'envisage de deux manières. Tout d'abord, une pulsion sociale qui peut apparaître sous une forme socialisée, c'est-à-dire une pulsion qui est déjà développée ou qui se réalise au sein d'une relation interpersonnelle, où autrui est expressément posé comme but focalisé de l'action. Donc ici, il donne l'exemple de l'attention que la mère peut porter à son enfant, ou des relations qui peuvent se développer au sein de la famille, ou encore de la pulsion sexuelle. Ici, pour lui, on a affaire à une vie pulsionnelle où se développe... une empathie au sens où on peut l'entendre dans la dimension affective, émotionnelle que l'on peut lui reconnaître actuellement. Ici, on a affaire à une pulsion socialisée qui se détermine négativement ou positivement dans la joie et la douleur. À côté de cette pulsion socialisée, Husserl pense aussi une pulsion sociale à l'origine du procès de socialisation. Donc ici, on a affaire à quelque chose qui sous-tendrait, en quelque sorte, de manière infraconsciente, sous-jacente, l'empathie, comme moment où s'établit le contact avec la conscience de l'alter ego, où l'on reconnaît en tout cas la conscience de l'alter ego. Donc ça, c'est une première direction, et la seconde direction que je voudrais indiquer rapidement, c'est ce qui se joue du côté de la théorie de l'habitude, où ici, on a vraiment affaire à une vaste théorie de l'habitude, des dispositions. L'habitude étant ici cette disposition a priori, en vertu de laquelle les expériences passées sont sédimentées, et puis dans un second temps, peuvent être réactivées, revivifiées, restituées. Ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est que ça ouvre chez Husserl sur des considérations sur le rapport au quotidien, à l'ordinaire, à la familiarité que nous pouvons au sein de laquelle nous pouvons considérer notre rapport au monde social. Donc ici on a affaire à un monde familier, à un Heimwelt qui est entendu comme une structure générale de la subjectivité. Donc ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est qu'on a des ressources précieuses pour penser une vie sociale qui descend en quelque sorte dans le sujet, qui le structure passivement. Bon voilà, c'est un peu lapidaire pour terminer. Deux remarques conclusives. Je pense donc qu'on peut tout à fait faire place à la dimension objective du social et qu'il convient donc de ne pas confondre le strict domaine de l'intersubjectif et celui du social. Mais dans le même temps, je pense aussi qu'il y a des gains à reconsidérer la dimension subjective de notre expérience du social et qu'à cet égard, une reconsidération de l'empathie peut se révéler tout à fait féconde. Merci beaucoup. Apparemment, certaines personnes sont toujours gelées. Hein. Oui. En tout cas, ma voisine, d'autres, j'ai. J'ai remonté quelques-uns, je vais en remonter d'autres, c'est des petits chauffages individuels derrière. Mais c'est bizarre, parce que quand on est arrivé, on crevait de chaud dans la pièce. C'est chaud là-bas, parce qu'il y a un chauffage. Dans la loge ? Voilà. On peut tous aller dans la loge. Pardon ? Je peux bien poser une question ? Ah ben oui, tu peux poser une question. Mais j'ai trouvé tout à fait passionnant votre exposé, mais en même temps il touche à un problème que je me pose aussi, qui est-ce qu'on peut vraiment demander à la philosophie de rendre ce concept d'empathie compatible avec la théorie sociale. Il se trouve que par hasard j'ai relu récemment les méditations pascaliennes de Bourdieu, dans lesquelles il montre que son concept d'habitus à la fois, il reconnaît une parenté avec Husserl, et donc avec tout ce que vous avez rappelé à la fin, et en même temps, il s'en éloigne complètement pour dire que le problème chez Husserl, c'est que la répétition, enfin tout ce qui fait l'habitude en fait, la répétition, le rythme, n'a pas valeur constituante, enfin n'a pas chez Husserl valeur originaire. Et s'il appelle son livre Pascal, Méditation pascalienne, c'est parce qu'il croit davantage à ce que dit Pascal, quand il dit pour avoir la foi, il faut s'agenouiller, prier. C'est un mouvement mécanique. Il dit, moi, si j'avais une philosophie à défendre, ce serait Pascal contre Husserl, en gros. Parce que quelque part, la théorie de l'habitude et de la répétition est plus valorisée. Voilà, donc est-ce que vous pensez qu'en phénoménologie, on peut vraiment dégager un concept on va dire structurel du social, comme ensemble de pratiques, de rites, etc. Ou bien, est-ce que malgré tout, c'est pas un emprunt toujours un petit peu artificiel, c'est-à-dire, vous voyez, certes, tout seul, on parle d'habitude et de constitution et du monde de la vie, de cette passivité, mais est-ce que vous croyez que c'est suffisant pour faire face à... Je vais peut-être poser une question complémentaire à celle de Catherine Malabou. Allons-y. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce que vous disiez au début sur les raisons pour lesquelles la notion d'empathie n'entre pas dans les sciences sociales. Et je me disais en vous écoutant, mais c'est vrai encore une fois dans ce que j'appelle les deux grands paradigmes. Individualisme méthodologique d'une part, ou holiste d'autre part, représenté par Descombes par exemple. C'est vrai que finalement, l'empathie n'a pas de statut. Possible, parce que du côté de l'individualisme méthodologique, ça se rabat toujours sur les théories du choix rationnel. Donc on est dans le calcul, etc. Il n'y a pas d'empathie. On part toujours de l'intériorité du sujet. Et dans les perspectives holistes, vous l'avez très bien rappelé, on veut dépasser l'intersubjectivité. Donc on est toujours au-delà des sujets concrets, en quelque sorte. Les sujets concrets organisent leur action à partir de ce qui leur est imparti par la structure sociale en général. Donc l'empathie disparaît. Donc elle ne peut apparaître que dans une perspective... comment j'appelle, d'interparadigme, d'interactionnisme ou d'interdépendantisme généralisé. Et là, je vous suis totalement. Mais effectivement, la question que je me posais, qui rejoint celle que posait Catherine Malabou, c'est celle de savoir dans quelle mesure on peut, à partir notamment de ce que vous disiez de Husserl, opérationnaliser un concept d'empathie et le faire entrer dans la théorie sociale, au-delà de réflexions très générales. Et là, j'ai pas trouvé l'articulation possible. Et c'est vrai, je vois en plus certains de mes amis qui ont beaucoup travaillé sur le manuscrit de Husserl dans une perspective sociologique, finalement, se sont toujours cassé le nez en se demandant, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça au sein de la théorie sociale Alors, pour répondre tout d'abord à votre question, euh, En fait, on n'est pas forcément obligé d'attendre de la phénoménologie plus que ce qu'elle ne peut faire. On peut très bien le considérer comme une métathéorie, pas forcément comme une sociologie directement appliquée. Ça, c'est un premier point. Ensuite, pour les limites que vous souleviez par rapport à l'ambition qui pouvait être celle de la phénoménologie de produire une théorie du social, moi, je crois que la phénoménologie, ce qu'elle fait bien, c'est la considération de l'expérience vécue. Et donc, bien évidemment, Husserl, il produit des ontologies sociales, c'est-à-dire qu'il a chez lui la prétention à dire, comme on peut le voir dans certaines philosophies contemporaines, chez Searle par exemple, à dire ce qu'est l'être du social, comme si c'était un domaine ontologique bien identifié dans l'ameublement du monde. Ça, je ne crois pas que ça soit tout à fait convaincant. En revanche, ce qui est intéressant chez lui, c'est l'attention aux modalités de l'expérience subjective du social. Ça, il y a des choses tout à fait intéressantes. Alors après, ça intéresse les sociologues ou ça ne les intéresse pas, ça c'est sûr. Et puis d'autre part, ce qui est intéressant, c'est l'attention qu'il accorde à la question du monde commun. Et ça, c'est une vraie question de savoir si il ne faut pas penser le social aussi par le commun. Après, pour ce que vous disiez à propos de Bourdieu, alors évidemment, Bourdieu, il a beaucoup tapé sur ce qu'il appelle la phénoménologie sociale. Mais alors dans l'opposition qu'il instruit entre le subjectivisme et l'objectivisme, la phénoménologie sociale étant considérée comme un bon exemplaire du subjectivisme, il y a tout d'abord une bonne part de rhétorique afin de mettre en scène sa propre position, sa propre praxéologie. Et puis d'autre part, je crois aussi qu'on peut lire les choses différemment. Catherine Colliot-Hélène avait montré dans un article que s'il y avait vraiment des racines philosophiques qui étaient prégnantes dans l'œuvre de Bourdieu, c'était en fait celle de la phénoménologie. Alors ça s'atteste à la fois par des emprunts ponctuels, etc., mais aussi par la persistance d'un certain nombre de problématiques structurantes. Elle identifiait notamment celle de la temporalité des pratiques, mais moi je crois aussi qu'il y a celle du sujet. Et de ce point de vue-là, le concept d'habitus, ce qu'il caractérise aussi, c'est son ambiguïté remarquable et la façon qu'il a de reprendre en lui l'alternative entre le subjectivisme et l'objectivisme. Après, c'est sûr qu'on n'a plus affaire à une philosophie de la conscience, on a affaire à un sujet qui est assujetti par l'histoire et la société, ce qui me paraît tout à fait intéressant. Mais pour autant, il y a bien une philosophie du sujet qui persiste ici. Et ce sont ces reconfigurations sociologiques du sujet qui me paraissent intéressantes. Oui, Alexis, Pierre, et puis Christian Alzéry après. Pour aller dans le sens de ce qui pourrait être opérationnel justement dans cette phénoménologie empathique en théorie sociale, moi j'étais intéressé par ce que tu rappelais de la phénoménologie de l'expression. C'est le projet, c'est-à-dire l'idée, comme tu as dit, que la première expérience de la signification en général, c'est celle de la signification sociale, de ce que fait autrui et de son apparition. Et à partir de ça, j'avais deux questions. Est-ce que tu penses qu'on peut relier ça des théories comme l'herméneutique culturelle ou l'interprétation, ensuite, plus simple, par exemple, de Geertz ou de l'anthropologue, ça, cette idée qu'on interprète toujours déjà dans la perception les expressions d'autrui depuis qu'on est petit. Et l'autre question concernait le rapport justement entre interprétation et passivité. Est-ce que ça pose pas problème au fond chez Husserl? On nous dit à la fois on interprète toujours socialement, il n'y a pas d'intersubjectivité sans interprétation sociale, si on le pousse un petit peu, et en même temps c'est quelque chose de passif dans notre perception et dans notre corps. Alors concernant la première question, c'est évident qu'il y a chez Husserl un nouage à un moment entre une philosophie de l'empathie et une philosophie de l'expression. Mais moi, la perplexité que j'ai à ce moment-là, c'est de savoir si on peut vraiment pousser le concept jusqu'à ce point-là ou s'il ne vaut pas mieux établir une distinction plus tranchée. C'est sûr aussi qu'à ce moment-là, il y a un héritage tout à fait déterminant de la philosophie herméneutique. Ça passe par Diltai, c'est tout à fait clair. Et qu'il y a aussi des choses tout à fait intéressantes ensuite chez Merleau-Ponty, par exemple. Et concernant la deuxième question, Effectivement, c'est paradoxal. Schussel, à la fois, il nous dit que le social, c'est quelque chose qui se joue au niveau des actes sociaux. Ici, il restait une conception très volontariste de la relation sociale. C'est le fait que les volontés se règlent les unes sur les autres. Et puis, en même temps, il évoque une pulsion sociale. Alors, pour ce qui concerne l'empathie, ça suggère qu'on peut l'envisager, d'une part, comme quelque chose qui s'enlève sur une dimension passive et qui, d'autre part, peut être conçue dans la perspective, dans l'horizon d'une relation sociale complète, entre deux pôles, en quelque sorte. Une dernière question, Christian Lazéry. Oui, j'aurais voulu revenir sur ce que vous avez dit au départ sur la question du métadiscours phénoménologique sur le social, au fond, en me demandant si, finalement, Husserl n'est pas un peu sec. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il nous dit, il nous donne un certain nombre de grands énoncés généraux sur l'intersubjectivité, sur la constitution d'autrui dans un monde transcendantal réduit, sur la similitude du corps, sur les phénomènes de la présentation, sur les synthèses passives, effectivement. Mais à part ce cadre-là, on a l'impression que finalement, sur le rapport social, il n'y a pas énormément de choses à dire. Vous l'avez montré, d'ailleurs, je pense, à la deuxième partie de l'exposé, en concernant le statut de l'habitude, par exemple, qui est un élément important de la vie sociale, enfin, qui est assez peu probant, je dirais, du point de vue d'une application phénoménologique à l'analyse des rapports sociaux. Alors, je me demandais si, en fait, l'idée, c'était pas plutôt de comprendre, pas tellement Husserl, mais finalement, étant le courant phénoménologique, d'autres approches, finalement, du lien social, qui seraient peut-être plus pertinentes, en le dotant de chair un peu plus consistante. Et vous l'avez évoqué juste en passant, mais en le laissant de côté, ce que c'était lié à l'affectivité, mais je considère que le projet de Scheller, par exemple, une phénoménologie du monde social liée aux formes de la sympathie, par exemple, ou à l'homme du ressentiment, avait plus de choses à nous apprendre sur le monde social. Au fond, enfin, il y a une ambition chez Scheller qui est presque de se mettre sur le même terrain que Freud, en analysant le comportement des groupes sociaux collectifs, le statut du chef charismatique, l'adhésion finalement à l'égard d'un chef charismatique, la propagation des sentiments sociaux à partir de la sympathie. Donc on a là toute une chair du monde social un peu plus consistante finalement de ce que nous dit Husserl. On peut évoquer le cas de Sartre, on va mettre le néant aussi, qui cherche quand même à construire une théorie du lien social beaucoup plus consistante et beaucoup plus riche finalement que le cadre un peu abstrait que nous donne Husserl. Donc ma question, ce n'est pas tellement la contestation du rapport entre phénoménologie et sciences sociales, mais c'est de demander si à l'intérieur de la phénoménologie, Husserl est le bon interlocuteur, parce qu'il n'y a pas d'autres interlocuteurs plus productifs que Husserl, y compris du point de vue de l'empathie d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêt à troquer Scheller, Husserl contre Scheller? Enfin non, c'est pas jusque-là, mais est-ce que Merleau-Ponty, en fait, je pense au rapport entre sociologue et philosophe dans Signe, par exemple, il y a des choses à dire extrêmement intéressantes sur ce point. Oui, Merleau-Ponty, j'y crois, il y a même, enfin en dehors de la phénoménologie, il y a aussi quelque chose à faire avec la philosophie écossaise, chez Smith, etc. Mais alors, le problème aussi, c'est que dans ces cas-là, on parle de sympathie. Alors, moi, je pense que Smith, il entend vraiment sympathie au sens d'empathie. Chez Scheller, oui, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, en fait. Et chez lui, on a une critique de l'empathie chez Husserl et une promotion du concept de sympathie. Donc, je ne suis pas sûr qu'on pense tout à fait la même chose, en fait. Et comme la définition de la sympathie chez Scheller, en même temps, donc ça complique les choses. Elles sont concordantes aussi, en gros, les gens qui parlent de l'empathie, et ça, c'est le vocabulaire abstrait aussi, enfin imprécis entre les rapports entre empathie et sympathie. Mais, mais en tout cas, du point de vue de l'analyse phénoménologique elle-même, de la consistance du lien social, là, peut-être il y a des choses concrètes à récupérer, on a dit, plutôt qu'un discours métasocial, comme le fait un peu Husserl, qui est un peu vide, du point de vue, je trouve. Oui, il n'est pas si vite que ça. Il y a des textes qui sont méconnus, mais il y a vraiment toute une philosophie du social qui se développe chez Husserl. Le problème, c'est que ça s'est développé souvent de manière éparse dans des manuscrits autour des idées directrices ou à la fin autour du monde de la vie, etc. Mais il y a une pensée qui est tout à fait consistante. Alors ça part un peu dans tous les sens. C'est difficile à systématiser, mais on peut quand même s'y retrouver. C'est certain qu'il a un point de vue qui est assez distant par rapport aux sciences sociales. Hein. Il connaissait Simmel, surtout, c'est tout. Enfin, un peu Weber, mais c'est assez limité. Ça, c'est tout à fait sûr. Il y a des choses aussi tout à fait intéressantes chez Alfred Schütz, par exemple. Là, on a vraiment un effort pour aller vers les sciences sociales et ce qu'elles peuvent dire, ce qu'elles peuvent apporter aussi à la phénoménologie. Donc, j'ai bien conscience que la démarche est limitée, mais en tout cas, c'est chez lui qu'il me semblait y avoir les ressources pour réhabiliter d'une manière très, très charitable, donc ce qui était mon intention, le concept d'empathie. Mais ce n'est pas du tout exclusif, c'est sûr.